à la barbe. Oui, notre vie est acide, la vôtre avec des fossiles. Une tyrannie d'acquis, faut qu'on fait le forcing. Depuis tout jeune, des hématomes, combien de keufs on a fait de ça. Combien rêve d'avoir un bateau pour le salaire du Barça. Massacre, encore, trois en 10 putains de jours. 500 000 en cash pour te faire la bise, il y aura plein de jours. Hey, il ne faut pas douter, de putain de couplet. Une grosse lasse dans la poche, elle est verte bouteille. Dis-leur à long sac que des Indiens dans la ville. Va niquer tes morts, je m'en bats les couilles de ton avis. L'entendez-vous, le clic clic boum. Va niquer tes grands morts, nous sommes au rendez-vous. Nous racontons pas tes blagues ici, tout le monde est fou. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. L'entendez-vous, le clic clic boum. Va niquer tes grands morts, nous sommes au rendez-vous. Nous racontons pas tes blagues ici, tout le monde est fou. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est chaud. Kalachnikov dans la boca Alonso. La crime a appelé RDV au studio. Fermez la, ça va cracher des flammes, ça boit au goulot. Enfin du bloc des caca-caca au point du sol français. On compte avec les mains, les billets, on va les repasser. Il pleut des cartouches, ça perd la barboute. Hey, il y a qu'un dans la bouche, tout le monde se couche. Rampe avec un casque rouge, y'a les pinots qui chouvent, agités depuis les couches. On a tous les yeux rouges, la religion du diable, c'est celle de la monnaie. Le frère quartier nord marseillais où là ça sent le cramer. L'entendez-vous, le clic clic boum. Va niquer tes grands morts, nous sommes au rendez-vous. Nous racontons pas tes blagues ici, tout le monde est fou. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. L'entendez-vous, le clic clic boum. Va niquer tes grands morts, nous sommes au rendez-vous. Nous racontons pas tes blagues ici, tout le monde est fou. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. Va niquer tous tes grands morts ici, tout le monde est sous. Hey gros, les gros, des lumières ou des gros. Des familles qui pleurent, là, nitro dans le micro. Fuego, Giro, Ghetto, Bédo, Euro. Trafiquant de rêve, blaze, habit, on veut le mettre. Litro, pas assez, nitro. Se rappeler rempli de mytho. Gamos qui prend le métro. Fuego, Cargo, Coco, Barbo pris en photo. Je rentre au par en moto, une pièce de deux pour le temps.